Jérémie chapitre 8. En ce temps-là, dit l'Éternel, on jettera les os des rois de Juda, et les os de ses princes, les os des sacrificateurs, et les os des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem, hors de leur sépulcre, et on les étendra devant le soleil, et devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qui sont des choses qu'ils ont aimées, qu'ils ont servies et après lesquelles ils ont marché, des choses qu'ils ont recherchées, et devant lesquelles ils se sont prosternés, ils ne seront point recueillis ni ensevelis, ils seront comme du fumier sur le dessus de la terre. Et la mort sera plus désirable que la vie à tous ceux qui seront restés de cette méchante race, à ceux, dis-je, qui seront restés dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Tu leur diras donc, ainsi a dit l'Éternel, si on tombe, ne se relèvera-t-on pas, et si on se détourne, ne retournera-t-on pas au chemin? Pourquoi donc s'est égaré ce peuple, les habitants de Jérusalem, d'un égarement continuel? Ils se sont adonnés opiniâtrement à la tromperie, et ont refusé de se convertir. Je me suis rendu attentif, et j'ai écouté, mais nul ne parle selon la justice, il n'y a personne qui se repente de son péché, disant, qu'ai-je fait? Ils sont tous retournés vers les objets qui les entraînent, comme le cheval qui se jette avec impétuosité parmi la bataille. Même la cigogne a connu dans les cieux ses saisons, la tourterelle, et l'hirondelle, et la grue, ont pris garde autant qu'elles doivent venir, mais mon peuple n'a point connu le droit de l'Éternel. Comment dites-vous, nous sommes les sages, et la loi de l'Éternel est avec nous? Voilà, certes on a agi faussement, et la plume des scribes est une plume de fausseté. Les sages ont été confus, ils ont été épouvantés et pris, car ils ont rejeté la parole de l'Éternel, et en quoi seraient-ils sages? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à des gens qui les posséderont en héritage, car, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, chacun s'adonne au bien des honnêtes, tant le prophète que le sacrificateur, tous agissent faussement. Et ils ont pensé la plaie de la fille de mon peuple à la légère, en disant, paix, paix, et il n'y avait point de paix. Ont-ils été confus de ce qu'ils ont commis abomination? Ils n'en ont eu même aucune honte, et ils ne savent ce que c'est que de rougir, c'est pourquoi ils tomberont sur ceux qui seront tombés, ils tomberont autant que je les visiterai, a dit l'Éternel. En les ramassant, je les consumerai entièrement, dit l'Éternel. Il n'y a pas une grappe dans les vignes, et il n'y a pas une figue au figuier, la feuille est flétrie, et ce que je leur ai donné sera transporté avec eux. Pour quelle raison nous arrêtons-nous? Assemblez-vous, et entrons dans les villes fortes, et nous serons là en repos, car l'Éternel, notre Dieu, nous a fait taire, et nous a donné à boire de l'eau de fiel, parce que nous avons péché contre l'Éternel. On attend la paix, et il n'y a rien de bon, on attend le temps de la guérison, et voici le trouble. Le ronflement de ses chevaux a été oui de Dan, et tout le pays a été ému du bruit des hennissements de ses puissants chevaux, ils sont venus, et ont dévoré le pays et tout ce qui était, la ville et ceux qui habitaient en elle. Qui plus est, voici, je m'en vais envoyer contre vous des serpents, des basilics, contre lesquels il n'y a point d'enchantement, et ils vous mordront, dit l'Éternel. J'ai voulu prendre des forces pour soutenir la douleur, mais mon cœur est languissant au-dedans de moi. Voici la voix du cri de la fille de mon peuple, qui crie d'un pays éloigné, l'Éternel n'est-il point en Sion, son roi n'est-il point au milieu d'elle? Mais pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par les vanités de l'étranger? La moisson est passée, l'été est fini, et nous n'avons point été délivrés. Je suis amèrement affligé à cause de la calamité de la fille de mon peuple, j'en suis en deuil, j'en suis tout désolé. N'y a-t-il point de beau mangala? N'y a-t-il point là de médecin? Pourquoi donc la plaie de la fille de mon peuple n'est-elle pas consolidée?